Chapitre 19. Démasqué. Quand il n'y eut plus de lumière dans le ciel, un profond soupir s'échappa des lèvres de Lagnard, et avec le geste de céder à un présage, il se détourna et se remit en marche d'un pas traînant vers la ville. Plus pareil à un automate qu'à un être conscient, il suivit la ligne des boulevards illuminés et bruyants, où à maintes reprises, il faillit passer sous les roues de quelque auto emballé ou d'un lourd et tonitruant autobus. À peine conscient des dangers côtoyés, il était à peu près indifférent. Il eût fallu quelques blessures mortelles pour égaler la lourde et funèbre angoisse de son âme, car ce n'était pas uniquement le ciel du couchant qui s'était enténébré pour lui depuis une heure. Le froid devenait intense, et bien qu'il ne fût pas très chaudement vêtu, la sueur n'en perlait pas moins sur son front. Confusément, il se rappelait cette image qu'il avait employée dans l'une de ses conversations avec Lucy Shannon, à savoir que s'il perdait sa foi en elle, il n'aurait plus que le vide sous ses pieds. En effet, maintenant que cette foi lui manquait, qu'elle lui avait été retirée malgré tous ses efforts pour la conserver, il avait bien l'impression de marcher sur le vide, avec autour du cou la corde de la tension qui se resserrait, roidie par le poids des instincts criminels, étouffant en lui toute aspiration au bien, le dépouillant du souffle même de cette nouvelle vie à laquelle il avait cru se donner. Si elle n'était pas digne, à quoi bon lutter? À un moment donné de son voyage, il s'arrêta, plus par habitude que par désir conscient. Il pénétra dans un restaurant économique pour absorber son repas du soir habituel, sans savoir le moins du monde ce qu'il mangeait, ni si la nourriture était bonne ou mauvaise. Quand il eut terminé, il partit précipitamment, comme sous l'empire d'une idée fixe. Il n'y avait plus guère de place dans son esprit pour une pensée cohérente. En lui se creusait le gouffre sans fond d'un noir désespoir. Il se sentait pareil à un aveugle né, à qui une habile opération chirurgicale a rendu le don de la lumière pour un jour ou deux, et qui se voit tout à coup et sans aucun avertissement rejeté de nouveau dans les ténèbres. Il savait seulement que sa courte lutte avait été vaine, que derrière la frêle barrière de son désir du bien, le loup solitaire grondait de rage. Et il sentait que s'il lui laissait une fois briser la barrière, celle-ci ne pourrait plus jamais être réparée. Il l'avait élevée à force de volonté, pour l'amour d'une femme. Rien à présent ne l'incitait plus à la maintenir que le désir de garder sa propre estime, ou sinon il n'aurait plus qu'à se livrer entièrement à ces ténèbres dont il était sorti à grand-peine et à leur puissance qui, à cette heure, assiégeait son âme. Et peu lui importait. Sans le moindre but déterminé, il chercha le garage où il avait laissé sa voiture. Il n'avait aucun projet, mais la pensée meurtrière possédait son esprit qu'avant l'aube prochaine, il pourrait rencontrer Bannon. En attendant, il allait travailler. Il pouvait réfléchir aux problèmes de sa vie tout en conduisant aussi bien qu'en s'enfermant. Quoi qu'il pût finalement se résoudre à faire, il ne pouvait guère l'accomplir qu'à partir de minuit. Vers 7 heures, avec sa machine en parfait ordre de marche, il prit le volant et fila par les rues, se sentant l'âme inquiète, l'âme d'une bête de proie. La barrière était tombée. Une fois de plus, le loup solitaire était en chasse. Mais pour le moment, il se gouvernait et jouait à merveille son rôle provisoire de chauffeur maraudeur, pareil à ces milliers d'autres qui infestent Paris. Une demi-douzaine de fois au cours des 3 heures suivantes, des gens le hélèrent des trottoirs et des restaurants. Il les chargea, les emmena à leurs diverses destinations, fut payé par eux et reçut leur pourboire avec des merci détachés, entièrement dans le rôle, mais le tout sans presque en avoir conscience. Il ne voyait plus qu'une chose, la figure de Lucy Shannon, qui brillait dans l'ombre comme un fantôme, blanche et douloureuse, la figure avec laquelle elle l'avait renvoyé. Il n'avait qu'une pensée, le désir de déchiffrer l'énigme de son servage à elle. Pour y parvenir, il était prêt à se livrer à toutes les extrémités. Si Bannon et sa bande se mettaient entre lui et son dessein, tant pis pour eux, et, incidemment, tant mieux pour la société. Ce qui pouvait lui arriver à lui-même n'avait aucune importance. Il n'envisageait qu'un but, redevenir ce qu'il avait été, le suprême aventurier, le prince des rapaces, se perdre une fois de plus dans le délire des jours aventureux et des nuits pleines de périls, bref, réincarner le loup solitaire, et sous son apparence, mettre de nouveau le monde en coupe réglée pour demander l'oubli, fût-ce aux portes de la prison. Il était 10 heures passées quand, roulant au petit bonheur avide de clients, il arriva par la rue Aubert sur la place de l'Opéra et là, devant le café de la paix. Il fut hélé par un chasseur de restaurant. S'approchant du trottoir avec l'habileté désinvolte qui avait caractérisé toutes ses actions de la soirée, il attendit, le moteur trépidant, et avec un esprit détaché et le regard perdu, loin des flots de piétons et du trafic roulant qui passait bruyamment de toutes parts. Au bout d'un instant, 2 hommes sortirent de la porte tournante du café et s'approchèrent de la voiture. Lanière ne fit pas attention à eux. Ses pensées étaient alors occupées d'un certain hôtel particulier voisin de la Muette, et dans sa préoccupation, il ne lui fallait qu'un mot d'adresse et le bruit de la portière claquée pour le faire partir comme un boulet. Mais il entendit l'un des hommes tousser violemment, et en un clin d'œil, il se roidit sur son siège. Il n'avait entendu cette toux-là qu'une fois seulement auparavant, mais ça avait été une fois de trop. Figeant ses traits en une parfaite immobilité, il sut, sans même un regard de côté, que la toux avait secoué le plus mince des deux personnages. Et soudain, il eut la conscience aiguë de la transparence de l'air glacé, de l'éclat impitoyable de l'électricité, tombant sur lui de toutes parts des innombrables lampadaires et des lustres du café. Et un regret poignant le saisit de ne pas s'être dissimulé le visage sous des lunettes de chauffeur. Il ne resta pas longtemps en suspens. La toux s'épuisa en quinte, et il perçut la voix caractéristique et sonore de Bannon. « Et voilà, mon cher garçon, j'ai à vous remercier de votre excellent dîner et de cette très intéressante soirée. Malheureux de l'interrompre aussitôt, mais les affaires, vous comprenez. Je regrette que vous n'alliez pas de mon côté. Tiens, tiens, c'est un bien beau taxi que vous avez retenu là. Quel est son numéro ? Hein ? Je n'en ai pas la moindre idée, nasilla en réponse une voix d'anglais. Je ne m'inquiète jamais du numéro d'un taxi, à moins qu'il ne m'ait passé dessus. » « Grave erreur !» répliqua gaiement Bannon. « Toujours prendre le numéro d'un taxi avant de monter dedans. Alors, s'il arrive quelque chose... »« Quand même, il a bon aspect, le gars au volant. Il n'a pas l'air de devoir vous causer de désagréments. »« Non, je ne le pense pas, » répliqua l'anglais excédé. « Bah, on ne sait jamais. Le numéro est sur la lampe. Prenez-le en note et mettez-le en sûreté. Ou, fiez-vous à moi, je n'oublie jamais les numéros. » Ayant dit ces mots, Bannon s'approcha de Lanière et l'examina. Ses méchants vieux yeux pétillaient de malice aiguë. « Vous êtes un gars d'aspect honnête, » remarqua-t-il avec un sourire moqueur, mais sur le ton de la plus inoffensive admiration. « Honnête, eh bien, qu'allais-je dire? Quel est ce mot que nous employons tous les jours? Ah oui, capable. L'air honnête et capable. Capable des meilleures choses, si je ne me trompe. » « Excusez la simplicité d'un vieillard, mon ami, et prenez bien soin de notre cousin anglais que voici. Il ne connaît pas très bien son chemin dans Paris, mais je suis assuré qu'il ne lui arrivera pas de mal en votre compagnie. Tenez, voici 1 franc pour vous. » Avec une audace inégalable, il tira une pièce de la poche de son paletot de fourrure. Sans hésiter, sans laisser voir aucune émotion, Lanière tendit la main, reçut l'argent, le mit dans sa poche et porta 2 doigts à la visière de sa casquette. « Merci, monsieur, » fit-il simplement. « Ah, voilà qui est bien, » ricana la voix de basse. « Ne jamais vous mettre au-dessus de votre situation. Ne jamais hésiter à prendre un pourboire. Allons, je vais encore vous donner un conseil gratis. Quittez ce métier. Il n'est pas digne de vous. Ne me demandez pas comment je le sais. Je le lis sur votre figure. Dites donc, pourquoi abaissez-vous votre chapeau ? Vous n'êtes pas encore parti. » « La conversation marche au compteur, » répliqua Lanière en français. Puis, il se tourna vers Bannon et, le dévisageant en plein, lui décocha dans les yeux un regard de haine. « Plus longtemps j'aurai à rester ici à écouter votre radotage, plus vous aurez à payer. « Quelle adresse, s'il vous plaît ?» ajouta-t-il en se retournant pour voir son passager. « Hôtel Astoria, » lança le chasseur. « Très bien. » Le chasseur ferma la portière. « Mais rappelez-vous mon conseil ?» reprit froidement Bannon, en se reculant et saluant de la main l'homme installé dans la voiture. « Bonsoir. » Lanière démarra vivement du trottoir, tourna sur le boulevard des Capucines et se dirigea vers la rue Royale. Il avait à peine fait 100 mètres que la fenêtre derrière lui s'abaissa et son client lui lança jovialement. « C'est vous, Lanière ?» L'aventurier hésita une seconde, puis, sans se retourner, répondit. « Wertheimer, hein ?»« Tout juste. Le vieux m'a intrigué un moment, avec son seau à sicotage. D'autant plus stupide de ma part que nous venions tout juste de parler de vous. Vraiment ? Comme je vous le dis, ne feriez-vous pas mieux de m'emmener quelque part où nous pourrions causer tranquille ? Je n'éprouve pas le besoin. » « Oh, voyons, » fit aimablement Wertheimer, « ne soyez pas si cassant, ma vieille branche. Donnez-moi l'occasion de vous rendre service. J'ai des nouvelles d'Anvers qui, j'en suis sûr, vous intéresseront. »« D'Anvers ? » répéta Lagnard intrigué. « Oui, d'Anvers, d'où partent les bateaux, » railla Wertheimer. « Pas d'Amsterdam, où vont les diamants, comme vous savez. »« Je ne vous suis pas, je le crains. »« Je ne m'exprimerai pas plus clairement tant que nous ne serons pas en lieu sûr. » « Fort bien. Où dois-je vous mener ? Un café tranquille fera l'affaire. Vous en connaissez bien un. »« Non, merci, » fit Lagnard sèchement. « Si je dois palabrer avec des citoyens de votre acabit, je préfère que ça ne se sache pas. Même habillé comme je suis, je pourrais être reconnu, voyez-vous. » Mais il était évident que Wertheimer n'admettrait pas de refus. « Alors, est-ce que ma modeste installation vous conviendra ? » reprit-il avec jovialité. « J'ai pris un appartement dans la rue Vernet. » Juste derrière l'hôtel Astoria, et là, nous serons aussi tranquilles que vous le désirez, si vous n'y voyez pas d'objection. Pas la moindre. Wertheimer lui donna l'adresse et remonta la glace. Son appartement de la rue Vernet se trouva être un petit rez-de-chaussée avec entrée particulière sur la rue. « J'ai pris exemple sur vous, » dit-il en ouvrant la porte. « Je pense que vous seriez heureux de retourner vous-même à votre rez-de-chaussée. Épatant cet endroit-là. Entre parenthèses, à en juger d'après votre apparent état de santé florissante, vous n'avez pas essayé de loger chez vous ces temps derniers. Vraiment ? Vraiment oui, monsieur, si je puis prendre la liberté de vous conseiller. À votre place, je me tiendrai au large de la rue Roger pour un temps, pour aussi longtemps du moins que vous resterez dans vos présentes dispositions intraitables. Je suppose que vous avez raison, acquiesça Lagnard avec insouciance, tandis que Wertheimer faisait la lumière dans un petit salon luxueusement meublé. Vous habitez seul ici, j'imagine ? « Extrêmement seul. Soyez donc tranquille. Nul ne peut nous entendre. » « Et, » ajouta l'anglais avec un rire, « ayez soin d'oublier votre revolver, monsieur Lagnard. Je ne suis pas Popinot, et nous ne sommes pas ici à l'hôtel Troyon. »« Pourtant, » riposta Lagnard, « vous venez de dîner avec Bannon. » Wertheimer se mit à rire de bon cœur. « Bien entendu, » avoua-t-il sans broncher, « je pense que vous en savez un peu plus sur le vieux qu'il y a 8 jours. »« C'est possible. » « Mais asseyez-vous donc. Prenez cette chaise-là, qui commande les deux portes, puisque vous ne vous fiez pas à moi. »« Croyez-vous que je le doive ?»« Guère. Autrement, je vous demanderai d'en croire ma parole que vous êtes en sûreté pour l'heure. En fait, je ne me formaliserai pas si vous gardez votre revolver à votre portée et votre instinct de la conservation tendu à 10 atmosphères. Mais vous ne refuserez pas de prendre avec moi un whisky ou un soda. »« Non, » fit pensivement Lagnard, « je ne refuserai pas. « Si vous buvez de la même bouteille. » Derechef, l'anglais rit sans affectation et alla chercher une carafe, des verres, un flacon de soda et une boîte de cigares qu'il plaça à portée de Lagnard. L'aventurier le suivait des yeux avec étonnement. Il ne connaissait rien de cet homme, en dehors de sa réputation, assez peu flatteuse pour tout dire. Il ne l'avait vu qu'une fois, et cela à distance, avant l'entretien de la rue Chaptal. Et maintenant, il commençait à discerner en lui une personnalité singulièrement séduisante. Wertheimer déployait tout le flegme d'un anglais du meilleur monde. Plus que personne de la pègre que Lagnard avait toujours fréquenté, ce maître chanteur avait l'air de quelqu'un qui se respecte. Et sa nonchalance, la bonne humeur avec laquelle il acceptait la pardonnable défiance de Lagnard, sa cordiale affectation de le traiter en camarade et sur un pied d'égalité, l'attiraient tout en l'intriguant. Avec la politesse aisée d'un amphitryon qui a l'habitude de recevoir, il versa le whisky dans le verre de Lagnard, qu'il arrêta d'un « la merci », puis se servit copieusement et déboucha le soda. « Je ne vous demande pas de trinquer avec moi, » dit-il avec un clin d'œil, « mais… » glou glou, et inclinant le verre, il le vida d'un trait. Murmurant une vague formule et irrité de se sentir inférieur en politesse, Lagnard but avec moins d'enthousiasme, quoique sans méfiance. Wertheimer choisit une cigarette et l'alluma sans se presser. « Eh bien, » railla-t-il à travers un nuage de fumée, « je pense que nous voilà en bonne voie de nous entendre étant donné que vous m'avez envoyé me faire la dernière fois que je vous ai vu. » Son entrain était irrésistible. Malgré lui, Lagnard lui rendit son sourire. « Je n'ai jamais vu personne qui le prit de meilleure grâce, » avoua-t-il en allumant à son tour une cigarette. « Pourquoi pas? Cela m'a plu à moi. Vous nous avez donné précisément ce que nous méritons. » « Alors, » interrogea Lagnard avec sérieux, « si c'est là votre point de vue, si vous êtes assez convenable pour envisager la chose de la sorte, que diable allez-vous faire dans cette galère ?»« Le malheur nous donne parfois d'étranges compagnons de lit, vous l'admettrez. Et si la question vous paraît légitime, que faites-vous ici, avec moi ?»« Même motif que ci-devant. J'essaie de découvrir quel est votre jeu. » Wertheimer considéra le plafond avec une grimace. « Mon cher camarade, » protesta-t-il, « ce n'est pas rien ce que vous voulez savoir là. »« Ça dépend, » admit Lagnard sans aménité. « On pense que vous avez l'intention de rester de ce côté de la Manche pour quelque temps. »« Comment cela ?»« C'est que votre installation a un air stable et intime. On ne s'imagine pas à la voir que la moitié de vos affaires sont encore dans vos malles. »« Ah, c'est ma piole. »« Oui, elle est assez intime. »« Vous ne regrettez pas Londres ?»« Si fait. » Mais je l'en apprécierai d'autant mieux quand j'y retournerai. Alors, vous pouvez y retourner si vous voulez? C'est-à-dire que selon vous j'y suis brûlé? Interrompit Wertheimer sur un ton persifleur. Je ne vous raconterai pas ce qu'il en est, mais j'espère avoir le droit d'y aller passer quelques jours à l'occasion sans que cela dérange Scotland Yard. Pourquoi ne pas y venir un jour avec moi? Lagnard secoua la tête. Allons, railla l'anglais, ne faites donc pas ainsi le fier. Je ne suis pas de mauvaise compagnie. Pourquoi ne pas être gentil, puisqu'il est forcé que nous nous rencontrions plus ou moins dans les affaires? Oh, je ne le pense pas. Mais mon garçon, vous ne pouvez pas continuer ce métier-là. Jouer au chauffeur de taxi, ce n'est guère fait pour vous. Et comme de juste, vous sentez qu'on ne vous permettra pas de vous engager dans une entreprise plus lucrative tant que vous n'aurez pas fait un accord avec les puissances en question, ou bien quitter Paris. Un accord avec Bannon? De Morbihan, Popinot et vous, hein? Avec eux-mêmes. Monsieur Wertheimer, lui dit tranquillement Lagnard, aucun de vous ne m'arrêtera si je prends la décision de rentrer en campagne. Vous n'avez pas songé à la quitter tout de même? Demanda innocemment Wertheimer en ouvrant de grands yeux. Qui sait? Ah, maintenant je commence à y voir clair. C'est donc là le motif qui vous a amené à manœuvrer un taxi. Je m'étonnais. Mais en tout cas, monsieur Lagnard, et Wertheimer plissa les yeux pensivement, je ne vous vois guère vous contenter de ce métier, même si cette idée de conversion n'est pas du simple chiquet. Eh bien, qu'en pensez-vous? Je pense, ricana l'anglais, je pense que cet entretien n'aboutit pas à grand-chose. Nos simples natures confiantes ne paraissent pas fraterniser aussi spontanément qu'elles le devraient. Nous pouvons aussi bien couper court et nous en retourner à nos affaires. Croyez-vous pas? Mais auparavant, j'aimerais que vous me permettiez de vous offrir un mot d'avis amical. Et quel est-il? Méfiez-vous de Bannon. Lagnard hocha la tête. Merci, fit-il simplement. Je vous dis cela en toute sincérité, affirma Wertheimer. Dieu sait que vous ne m'êtes rien, mais du moins vous avez joué la partie comme un brave, et je ne veux pas vous voir massacré pour l'agrément d'un apache faute d'avertissement. Bannon est aussi vindicatif que cela, vous croyez? Il vous a voué une solide haine. Peut-être savez-vous pourquoi. Moi non. En tout cas, c'est un hasard déplorable qui a amené votre voiture devant la porte ce soir. Il vous a nommé durant le dîner, et comme apparemment il ne sait pas où vous chercher, il est clair qu'il n'a pas besoin de vous, pas en tout cas avant que vous ayez changé d'attitude à l'égard du syndicat. Elle n'a pas changé. Mais je ne vous en suis pas moins obligé. Vraiment? Vous ne voyez pas la possibilité de travailler avec nous? Absolument pas. Rappelez-vous, j'aurai à faire mon rapport au vieux. Je dois lui communiquer votre réponse. Je ne pense pas nécessaire de vous dire ce qu'il faudra lui répéter, fit Lagnard avec une grimace. Pourtant, cela vaut d'y réfléchir. Je connais le vieux assez pour oser vous offrir toute compensation raisonnable à votre choix si vous voulez venir avec nous. 10 000 francs dans votre poche avant demain, si vous voulez, et la licence de lâcher votre sale métier. « Halte là, je vous prie !» interrompit chaleureusement Lagnard. « Vous commenciez à me plaire aussi. Pourquoi vous obstinez-vous à me faire souvenir que vous êtes lié avec la bête féroce qui a fait assassiner Roddy pendant son sommeil ?»« Le pauvre type, » dit doucement Wertheimer. ça a été là une triste besogne, j'en conviens. Mais qui vous l'a raconté ? Peu importe, c'est vrai, n'est-ce pas ? Oui, fit l'Anglais avec gravité, c'est vrai. C'est une honte pour Bannon, en définitive. Peut-être, ne me croirez-vous pas, mais c'est un fait que jusqu'à ce soir, j'ai totalement ignoré qui en était responsable. Non. Vrai ? Vous ne pensez tout de même pas que je vais gober celle-là ? Vous étiez comme les doigts de la main. Oh, mais allez, c'est seulement. Quand on a voté la mort de Roddy, je n'ai pas été consulté. On m'a laissé dans l'ignorance. Surtout, je m'en flatte, parce que je m'oppose au meurtre. Si j'avais su, ceci, vous ne le croirez pas comme de juste, Roddy serait encore vivant. Je voudrais vous croire, fit Lagnard. Mais quand vous me demandez de signer un accord avec ce maudit assassin... On ne peut jouer notre jeu avec les mains nettes, riposta Wertheimer. Lagnard ne trouva pas de réponse. Si vous avez dit tout ce que vous désirez, insinua-t-il en se levant, je n'ai plus qu'à vous affirmer que ma réponse est décisive et à m'en allier à mes affaires. Qu'est-ce qui vous presse ? Rasseyez-vous. Nous avons encore beaucoup à dire, beaucoup. Par exemple, j'avais l'idée que vous aimeriez me poser une question ou deux. Lagnard secoua la tête. Il était clair que Wertheimer avait l'intention de le prendre par son amour pour Lucy Shannon. « Vos affaires ne m'inspirent pas la moindre curiosité, » déclara-t-il. « Elles le devraient pourtant. J'aurais à vous dire beaucoup de choses intéressantes qui touchent de très près vos affaires à vous, si je voulais. Il faut savoir que dorénavant, c'est moi qui vais détenir le pouvoir ici. »« Félicitations, » railla Lagnard. « Ne blaguez pas, mon cher garçon. J'ai été promu chef de vos amis de Morbihan et Popineau et serai désormais, comme on dit en Amérique, le grand ressort. » « Mais sous quel mandat ?» Celui de l'illustre Bannon. J'ai été nommé son lieutenant à la place de Greg, déposé pour maladresse. Voulez-vous me faire croire que Bannon gouverne De Morbihan et Popineau ? L'Anglais sourit avec indulgence. Si vous ne le saviez pas, c'est lui le général en chef de nos forces alliées, l'intelligence directrice du bas monde international sans limitation. Fumisterie ! S'écria Lagnard avec dédain. Pourquoi me parler comme si j'étais un enfant et vouloir m'effrayer avec une histoire de revenant comme celle-là. À votre guise, le fait n'en est pas moins là. Je le sais, si vous l'ignorez. J'avoue que je ne connaissais rien avant ce soir, mais j'ai appris plusieurs choses qui m'ont ouvert les yeux. Voyez-vous, au Café de la Paix, nous avions une table dans un coin tranquille, et comme le vieux va retourner dans son pays d'ici peu, il était temps pour lui de se déboutonner plus complètement vis-à-vis de celui qu'il laisse pour le représenter à Londres et à Paris. Je n'avais jamais soupçonné notre puissance avant qu'il eût commencé à parler. Lagnard, qui le surveillait de près, aurait juré qu'il n'avait vu personne de plus de sang-froid. Il était démesurément troublé par cette ingénuité indéniable. Il n'en revenait pas et restait sur la défensive. « Et puis, il y a ceci à considérer de votre point de vue, » reprit Wertheimer sur le ton le plus positif. « Vous pouvez travailler avec nous sans être obligé d'avoir affaire aucunement avec le vieux, pas plus qu'avec De Morbihan ni Popineau. Bannon ne repassera plus jamais l'Atlantique et vous ferez peu à peu tout ce qu'il vous plaira, dans les justes bornes. » « L'un de nous deux est fou !» murmura Lagnard avec conviction. « L'un de nous deux est aveugle, à ses meilleurs intérêts, » corrigea Wertheimer avec une parfaite bonne humeur. « Peut-être, hein. Ainsi soit-il, cela ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais eu de goût pour les contes de fées. » « Ne vous en allez pas encore. Il reste beaucoup à dire des deux côtés de la discussion. » « Il y en a donc une ? De plus, je vous ai promis des nouvelles d'Anvers. »« C'est exact, » dit Lagnard. Et il se tut, sa curiosité enfin éveillée. Wertheimer plongea la main dans la poche intérieure de son habit et en retira une formule télégraphique bleue qu'il tendit à l'aventurier. Datée du jour, d'Anvers, la dépêche portait. « Bas monde, Paris, Greg arrêté aujourd'hui à bord paquebot pour l'Amérique, après lutte désespérée, s'est suicidé immédiatement après poison, pas avoué, Q2. Bas monde ? S'enquit Lagnard sans comprendre. Notre adresse télégraphique, comme de juste. Q2 est notre principal agent à Anvers. Ainsi, on a arrêté Greg ? Le stupide bougre, observa Wertheimer. Je n'ai aucune compassion pour lui. Toute l'affaire était une gaffe d'un bout à l'autre. Mais vous avez sauvé Greg et brûlé l'hôtel Troyon ? Malgré cela, nos amis de la préfecture n'en étaient pas satisfaits. Quelque chose a dû éveiller leurs soupçons. Vous ne savez pas quoi ? il doit y avoir eu une fuite quelque part. Dans ce cas, cela aurait dû certainement mener la police jusqu'à moi, après toutes les peines que vous êtes données pour m'accuser du crime. Il y a quelque chose de plus qu'une simple trahison dans ceci, monsieur Wertheimer. Peut-être avez-vous raison, dit l'autre pensivement. Et cela ne parle pas en faveur de la discipline de votre fameux syndicat, étant donné la possibilité d'une telle absurdité dans votre hypothèse. Allons, allons, à votre guise là-dessus. Je n'y insiste pas, aussi longtemps que vous consentez à joindre vos forces à moi. Eh, ce n'est pas avec vous seulement, à présent, n'est-ce pas? Puisqu'il y a cette inepte fiction de bas-monde international sans limitation. Avec moi seul, je vous laisse le champ libre. Allez où bon vous semble, faites ce que vous voulez. Je n'aurai pas l'audace de prétendre vous gouverner, ni même vous influencer. Lanière se contint avec la plus grande difficulté. Mais vous, demanda-t-il, quel est votre rôle là-dedans? Wertheimer s'allongea dans son fauteuil et se mit à rire tranquillement. Faut-il que vous le demandiez? Dois-je vous rappeler l'origine de ma prospérité? Vous avez bien su la dire, l'autre soir, rue Chaptal. Quand vous aurez fini votre travail, vous viendrez me trouver, et nous nous partagerons la besogne comme il faut, et à condition que vous fassiez cela, pas un mot ne sortira de mes lèvres. Maître chanteur. Oh, si vous y tenez, c'est drôle, comme je déteste ce mot. Brusquement, l'aventurier se remit debout. Pardieu, s'écria-t-il, je préfère m'en aller d'ici avant de faire un malheur. La porte claqua derrière lui, tandis que dans la pièce retentissait le franc rire de Wertheimer.